We'll be right back. Crois-tu encore à la véritable flamme, celle qui laisse place à ceux qui croient, ceux qui veulent, et ceux qui laissent, s'entrevoir, les horizons, les couleurs, la nature, la vie. Jouons avec tout ça. m'imagine comme un conteur du dimanche, celui qui te promet les plus belles choses, celui qui te dira les mots, qui te berce, celui qui t'inventera les rêves que tu oublies, celui qui te dira aussi pourquoi tu es parti, parti de chez toi, parti de ton toi, parti d'ailleurs, parti aussi de là, personne ne le perçoit, qui es-tu, t'es-tu oublié, t'es-tu oublié, t'es-tu oublié, t'es-tu oublié.